Mardi 4 septembre, 11h, entretien. Ce matin, on m'a déménagé, toujours dans le quartier des arrivants, mais cette fois-ci côté nord-ouest. On m'accorde à nouveau une chambre individuelle, une cellule totalement rénovée et hyper clean. Ici la télé fonctionne. Il y a même une veilleuse qui éclaire la nuit, et un bouton d'appel d'urgence, mais il n'y a pas de douche, comme dans mes cellules précédentes. Un miroir métallique est scellé au-dessus de l'évier. Mon reflet est cadavérique, c'est normal, je suis ici comme Dante aux enfers, s'il s'était regardé dans un miroir. Abandonnez toute espérance vous qui entrez ici. Bon, l'enfer des bonnettes ne me paraît pas jusqu'à présent si terrifiant. Je n'ai plus vu sur cour mais sur le mur extérieur et par-delà, vers les paysages et les immeubles qui bordent Marseille, vers l'ouest, vers la mer. À Marseille, la mer n'est pas au sud, mais bien à l'ouest. La mer, je ne la vois pas. Mais je sais, je sens, je capte sa proximité. D'où je suis logé à présent, je ne profite plus de la vie du quartier, des mouvements des autres détenus dans la cour ni de la perspective qu'on m'offrait sur les fenêtres du bâtiment d'en face. Seul, perché à quelques mètres de moi, sur la toiture d'un édicule, couvert lui aussi des restes de nourriture jetés par les détenus des étages supérieurs, une mouette me dévisage un moment, puis elle s'envole au-dessus des dentelles de fil barbelé qui m'encage, qui nous encage. Avant d'être déménagé j'ai rencontré ce matin deux personnes, le chef, je suppose que c'est le chef, puisque c'est un gradé en uniforme, et une dame, je ne sais pas qui c'est, elle a dû me dire sa fonction, mais j'ai oublié. Sûrement, elle aussi, une chef, ici, à mon avis, c'est qu'à fille de chef. Je leur dis pourquoi je suis en détention. Je pense qu'ils le savent déjà. Le chef m'écoute avec patience, il évoque même un moment l'idée du pardon, un pardon qui viendrait du haut me dit-il. Parle-t-il du Très-Haut ? Je n'ai pas eu le temps d'approfondir la question avec lui. Ce n'est ni le lieu, ni le moment. Les deux tentent de me rassurer, ils me disent que je serai bientôt placé dans un quartier particulier, avec des personnes dans la même situation que moi. Dans la même situation que moi, c'est-à-dire. On va bien voir ce qui m'attend. La dame me prévient pourtant que je ne serai pas à l'abri de disputes ou de conflits. Elle rajoute que si c'est nécessaire, je pourrai demander à être placé en service sanitaire, à l'infirmerie. Plus tard, j'apprendrai qu'il s'agit plutôt du quartier où l'on place les fous. J'y aurai échappé. Après, on me dirige vers un autre bureau où je rencontre une assistante sociale. La cloison qui nous sépare d'à côté, est si fine que je dois murmurer. Je lui dis combien j'ai peur et je me sens perdu. Je ressens sa compassion. Elle va voir de téléphoner pour moi à l'extérieur. J'ai droit aussi à une visite médicale complète et même à une radiographie des poumons. Je trouve qu'ils font ça bien. Je leur dis que je suis en bonne santé pour l'instant, au moins. Je renouvelle ma demande de voir un psy. Je rencontre une femme qui s'occupe, je crois, de prévention sida, et de je ne sais plus quoi encore. À la fin, je ne sais même plus qui j'ai vu, et ce que j'ai pu leur raconter. Mais tous prennent bien le temps de m'écouter. Je me suis baladé dans un grand labyrinthe, un parcours initiatique. Dans un monde de ténèbres, au sens le plus concret du terme. Les baumettes sont sombres et seulement éclairées par quelques néons blafards. Tout ça doit bien conduire quelque part. Y trouverai-je l'idole sacrée, ou bien l'homme à tête de chacal, qui met en balance les âmes des morts. Après ces quelques jours en parenthèse qui furent pour moi, comme un dernier long week-end de vacances, et à présent que j'ai passé tous les tests d'entrée, me voilà de plein pied en détention. Officiellement accueilli cette fois-ci. Jusqu'alors, dans ce bagne débonnaire et crasseux, j'ai eu le curieux sentiment d'avoir échoué là tel un touriste égaré dans Babel, par inadvertance. Je me sens maintenant plus proche des autres détenus, pas encore pareil à eux, mais plus proche. Et parmi tous ceux qui sont là, parmi ces centaines d'hommes qui vivent et survivent ici, je sais bien qu'il y a Adrien, lui aussi est ici, incarcéré depuis 5 mois. Le chef, celui en uniforme, a bien voulu tout à l'heure me donner son numéro d'écrou et de cellule. Il faut que je lui écrive.